Bonjour à tous, vous écoutez la radio Isanganiro, c'est le moment du journal de la mi-journée dont voici d'abord la charpente. Ce mercredi, c'est le premier jour de retrait des cartes d'électeurs. Les personnes enrôlées doivent se rendre aux différents centres d'inscription pour avoir ces cartes. Le ministère de la Sécurité publique met en garde toute personne qui propage des rumeurs des cas d'enlèvement des enfants. Le communicateur de ce ministère précise que ces rumeurs sont d'ordre à semer la terreur, surtout en cette période électorale. La journaliste sportive Liliane Chimiliman a fait partie depuis hier du bureau de l'Association internationale des journalistes de la presse sportive de l'Afrique. Pour elle, c'est un pas pour la valorisation du travail des journalistes burundaises. À Gitega, notre reporter va nous parler de la cohabitation entre les jeunes des différents partis politiques se trouvant dans cette province. Un expert en résolution pacifique des conflits appelle ces jeunes à s'intéresser au travail de développement. Les manettes sont tenues par Séraphine Hakizimana. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Rebonjour et commençons ce journal en parlant médias. Le Conseil national de la communication, CNC, se dit disposé à dialoguer avec les médias récemment sanctionnés. Le président de ce conseil promet même possible de revoir les décisions prises en cas de dialogue fructueux. Karenga Ramadhani pose comme préalable la reconnaissance des fautes commises par les médias concernés. Il précise que les premiers pas ont été faits dans ce sens. Suivez-le, il répond aux questions de Joseph Nsabiabandi. Nous avons été déjà saisis par le journal officiel Le Renouveau qui nous a écrit. Et c'est le même cas aussi pour les responsables ou certains membres de ces radios internationales qui nous ont approchés, pas encore d'une façon officielle, mais à travers les communications. Et nous avons pris acte de cela. Nous attendons que ça soit formalisé. Et cela nous permettra de réanalyser. Et c'est notre rôle au quotidien. Nous l'avons déjà fait avec certains médias, notamment la radio CCIBFM. Nous l'avons aussi fait pour le journal en ligne iguihe.bi qui était suspendu pour 3 mois et de publication de la rubrique commentaire, mais aussi de la suspension d'activité de son rédacteur en chef, mais qui nous a approchés par une correspondance officielle. Nous avons analysé très positivement et ces organes-là sont opérationnels, ce qui est aussi le cas pour ceux-là qui ont été fermés. L'essentiel, c'est de continuer le dialogue. Si j'ai bien compris, ça signifie que le CNC reste disposé au dialogue avec les médias sanctionnés. Je le dis et je le confirme puisque ça fait partie de notre mission, qui est une mission d'abord constitutionnelle, mais aussi selon notre loi organique. Alors, au moment où certains médias voudraient nous approcher pour effectivement dialoguer, nous sommes prêts, nous le fera. Je ne fais que lancer un appel solennel à quiconque qui voudrait approcher le CNC, qui soit le bienvenu pour que on puisse continuer la promotion de l'expression libre à travers les médias. Et si ce dialogue a lieu, est-il possible de reconsidérer les sanctions prises? Il faut que j'ai d'abord ce cadre de dialogue qui soit d'abord instauré, mais aussi les membres du bureau et même du Conseil national de la communication ont les prérogatives d'analyser d'une façon objective et positive toute demande dans ce sens, tout en tenant, en gardant le seuil de responsabilité du Conseil national de la communication. Rappelons que les médias sanctionnés sont la BBC et la Voix d'Amérique, qui ont été suspendus pour 6 mois. La radio Isanganiro, la RFI et la CCIBFM+ ont été mises en garde et la rubrique annonce du renouveau a été suspendue pour 3 mois. Des biens volés composés de postes téléviseurs, radio, matelas et câbles de la régie des eaux ont été saisis par la police et remis à leurs propriétaires dans certains quartiers de la ville de Gitega. Cette information est du gouverneur de la province de Gitega. Venant Manilambona interpelle les citadins à toujours dénoncer toute situation inquiétante qui s'observe dans leur quartier. Suivez le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manilambona. une personne qu'on a trouvé dans sa maison, les fils électriques de la régie des eaux, mais aussi d'autres biens qui avaient été volés. Et je suis sûr que s'il y a des bandits dans un quartier, ces bandits sont connus. Pourquoi est-ce que la population ne doit pas dénoncer? Donc nous demandons à ce que la population puisse dénoncer les malfaiteurs, que ce soit les bandits ou d'autres malfaiteurs, l'administration, forces de l'ordre et la justice. Nous sommes rassemblés autour de la cellule provinciale de sécurité, cellule communale de sécurité, et nous échangeons les informations du jour au jour pour dire que nous sommes prêts. Aussitôt que la population dénonce ou informe une situation anormale, tout le monde est prêt pour agir. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le journal continue sur la radio Isanganilo. Le ministère de la Sécurité publique dément les rumeurs qui circulent ces derniers jours faisant état des enlèvements des enfants. Dans un point de presse ce mercredi, le porte-parole de ce ministère, Pierre Ngurikiye, indique que ces rumeurs n'ont d'autre visée que de semer la terreur pendant cette période électorale. Il met en garde quiconque relaie ces rumeurs. On l'écoute. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un seul cas qui aurait été constaté par la police, par les services en charge des enquêtes et qui confirmerait ces rumeurs. Ce sont des rumeurs qui n'ont d'autre visée que semer le trouble et la peur au sein de la population. Et ce sont des rumeurs auxquelles on est déjà habitué. Chaque fois qu'il y a des élections, surtout avec la campagne, il y a toujours des rumeurs qui visent à semer la peur au sein de la population pour des visées inavouées. Vous vous souviendrez, des rumeurs faisant état de l'existence des groupes qui utilisaient des seringues pour injecter des produits au sein de la population, ou alors des groupes qui aient d'entrée des personnes. Au passage, le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes voudrait donc démentir de telles rumeurs, et le ministère de la Sécurité publique voudrait demander à toute personne qui manquera son enfant de s'adresser immédiatement à la police de la localité, ou alors à l'administration locale, ou alors de s'adresser au comité mixte de sécurité pour que les enquêtes commencent immédiatement. Le ministère de la Sécurité publique voudrait aussi informer le public que les services chargés d'enquête ont été instruits de mener des enquêtes en profondeur et d'appréhender toute personne qui sera en train d'assurer le relais de ces fausses informations pour qu'elles soient appréhendées et traduites devant la justice. La plupart des messages dont je vous parle maintenant, ce sont des messages en fait anonymes. Les auteurs de ces messages ne déclinent pas les identités parce qu'ils savent qu'ils veulent créer un sentiment de peur pour des fins inavouées. Au lieu de les diffuser, de les relayer, vous êtes invité plutôt à les adresser au service en charge d'enquête et pour que leurs auteurs soient appréhendés et traduits devant la justice. La servitude pénale à perpétuité, telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Kayanza ce mardi à l'endroit de 5 personnes, dont Jean Donatier Kabaka, ex-administrateur communal de Muruta, en province Kayanza. Ils sont accusés par le parquet de détention illégale d'armes et participation aux bandes armées. C'est après avoir trouvé récemment une grenade dans un des ménages de ces détenus lors d'une fouille perquisition opérée par la police. L'avocat de la défense compte interjeter appel à la cour d'appel de Ngozi. Le journal continue sur la radio Isanganiro. Parlons sport à présent. La nomination d'une journaliste burundaise au bureau exécutif de l'Association internationale des journalistes de la presse sportive de l'Afrique portera loin la voix sportive du Burundi. C'est ce qu'indique la journaliste sportive burundaise Liliane Nshimirimana, qui vient d'intégrer ce bureau. Pour elle, c'est un honneur pour le pays ainsi que pour les femmes journalistes burundaises. Suivez-la. C'est un honneur pour le Burundi, mon pays natal. C'est aussi un honneur pour l'Association des journalistes des sports du Burundi, dont je suis la présidente. Et surtout un honneur pour les femmes, car c'est la première fois que les femmes intègre les organes dirigeants de cette instance continentale du journalisme sportif. Pour le Burundi et pour les membres de l'Association des journalistes et des sports du Burundi, c'est que nous serons cette fois-ci représentés valablement. Auparavant, on était membre de l'Assemblée générale seulement. Il y a bien sûr certaines informations qui nous échappaient. Cette fois-ci, nous sommes membres du bureau exécutif. La voix du Burundi à travers le journalisme sportif vient donc de s'élever à un autre niveau. Nous aurons aussi une bonne occasion de mener un plaidoyer qui va en faveur de nos membres, les membres de l'AJSB, et aussi si, en tant que femme journaliste des sports, je ferai mon mieux pour que, bien sûr, il y ait la prise en compte du genre dans les médias sportifs. Et si je parlais du contenu, mais aussi, vous savez que ceux qui font le journalisme sportif, et les femmes, on n'est pas nombreuses. Donc, on verra ce qu'il faut faire dans ce domaine. Bref, il sera un moment opportun pour nous pour promouvoir le sport dans tous ses aspects ici dans notre pays, le Burundi, comme cela se fait ailleurs dans d'autres pays. C'était Liliane Chimimana, journaliste sportive. Sport encore, les préparatifs du match qui va opposer l'équipe nationale du Burundi, Inamba, des moins de 20 ans, contre l'équipe soudanaise ce samedi au stade Urukundo dans la province de Ngozi vont bon train. Cela est dit par l'entraîneur de cette équipe ce mercredi dans une conférence de presse qu'il a animée. Jocelyn Bifouboussa indique cependant que le temps des préparatifs leur a fait défaut et invite les amateurs du football à venir soutenir l'équipe nationale. Namia, reportage. Dans cette conférence de presse, l'entraîneur de l'équipe nationale Inamba des moins de 20 ans a indiqué que les préparatifs pour le match de ce samedi se déroulent bien, mais que quelques problèmes se remarquent, entre autres la fatigue chez les joueurs, car ils ont disputé plusieurs matchs durant le week-end passé. Oui, je peux parler que les préparatifs sont bons parce que tous les joueurs sont en bonne santé. Le problème que nous avons eu, c'est que nous avons commencé la préparation avec un peu de retard, mais on va essayer de s'adapter par rapport au retard qu'on a eu, mais ce n'est pas le problème de l'équipe nationale ou de la fédération, c'est parce qu'il y avait beaucoup de matchs du championnat pour un peu finir le championnat avant la fin du mois. Jocelyn Bifouboussa précise également qu'ils n'ont pas eu le temps suffisant pour préparer le match de ce samedi, mais qu'ils vont tout faire pour remporter la victoire. Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'on a commencé la préparation avec un peu de retard, parce que nous allons faire une préparation juste de 4 ou 5 jours. Je peux dire que c'est le problème que nous avons eu jusqu'à maintenant. Il appelle les amateurs du football de venir massivement soutenir leur équipe nationale. Je peux leur dire qu'ils peuvent venir soutenir leur équipe au début du match jusqu'à la fin du mois. Rappelons que ce sont des matchs éliminatoires comptant pour la participation à la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans prévue l'an prochain et que le Burundi a eu le droit de jouer ce match après avoir battu l'équipe éthiopienne. Merci Namia Ndaikeje pour ce reportage. Les Burundais en âge de voter en mairie de Bujumbura ont répondu à l'appel lancé par la CENI pour retirer les cartes d'électeurs pour le prochain référendum et les élections de 2020. Ce mercredi est le premier jour des activités de retrait sur les différents centres d'inscription de la capitale. Les agents électoraux disent que le travail peut prendre du temps car ils ont reçu les listes des personnes enrôlées hier soir. Ornella Mucho. Aux différents centres d'inscription, l'on constate un fil long des gens qui viennent retirer leurs cartes d'électeurs. À l'Ecofo Milango 1, c'est dans le quartier Kamenge. Les gens disent qu'ils y passent un bon moment. Certains d'entre eux disent que depuis l'ouverture de ce centre, ils étaient déjà là, mais qu'ils n'ont pas encore reçu les cartes d'électeurs. Les distributeurs des cartes, quant à eux, disent qu'ils ont reçu les listes tardivement et qu'en plus les noms ne sont pas classés par ordre alphabétique. Malgré cela, ils disent qu'ils essaient de les aligner par ordre alphabétique et par ordre d'arrivée. Aux autres centres d'inscription, ce même cas s'est également observé. Les distributeurs des cartes font savoir que des cas des gens qui n'ont pas pu corriger les erreurs sur leur identification se sont observés et ils indiquent qu'ils sont obligés de partir avec les cartes d'électeurs avec ces mêmes erreurs. La majorité des gens qui sont venus retirer leurs cartes d'électeurs demandent que le nombre des distributeurs des cartes soit augmenté. À la source, reportage. 13h11 à Bujumbura. Le journal continue sur la radio Isanganiro. La cohabitation entre jeunes des différentes formations politiques œuvrant dans la province Gitega est bonne. Cela est confirmé aussi bien par les représentants de la Ligue des jeunes du Parti CNDD-FDD, ceux du Parti UPRONA ainsi que l'administration. Mais du côté de la jeunesse de la coalition Amizero Barundi, ils se disent parfois marginalisés. Chartier Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, conseille aux jeunes de s'atteler aux travaux de développement. Le gouverneur de cette province, Venant Manilambona, se réjouit du fait que les jeunes commencent à se regrouper en association pour s'auto-développer. Reportage signé Aubin Niyonguru. Les jeunes affiliés à certains partis politiques dans la province de Gitega confirment leur relation d'entente, même dans cette période de campagne électorale. Certains disent même qu'ils se sont regroupés en associations d'autodéveloppement sans considération des origines politiques de chacun. Celui-ci est l'un des représentants de la jeunesse Imbonerakure dans la province de Gitega. Ici à Gitega, les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD se cohabitent bien avec les autres jeunes. On a même déjà eu des formations comment on peut se comporter envers les autres jeunes. Même son de cloche pour les jeunes du parti UPRONA. Evo Debihizi, président de la jeunesse de ce parti, indique que la jeunesse de ce parti vit en harmonie avec les autres. Nos jeunes de l'UPRONA, la communication non violente est très beau parce que nous utilisons notre idéologie. Notre idéologie, ce n'est pas de communiquer une communication violente, c'est une communication qui n'est pas violente, qui est pacifique. Nous le conseillons une bonne cohabitation parce qu'après tout, nous sommes des Barundis. Cette cohabitation pacifique, décrite par les premiers, est plutôt rejetée par les jeunes de la coalition Amizero ya Barundi. La jeunesse de la coalition Amizero ya Barundi est malmenée, de même que les adultes membres de cette coalition. Je pense que c'est parce que nous ne partageons pas nos idéologies politiques. Ils pensent que leurs adversaires politiques sont à maltraiter. Suivez certains des représentants de cette jeunesse dans les communes de Nyarusange et Mutaho. Chartier Niungeko, expert en résolution pacifique des conflits, leur demande de ne pas se laisser manipuler dans cette période électorale. Certains leaders politiques manipulent beaucoup les jeunes. Je demanderai à ces jeunes de revoir leur comportement, surtout pendant cette période électorale. Et c'est un processus qui va bientôt prendre d'ici d'ailleurs quelques semaines. Et la vie va continuer. Le gouverneur de la province, Gitega, dit que les membres des formations politiques actives dans cette province cohabitent parfaitement. Venant Manirambona leur appelle à s'occuper du développement plutôt qu'aux affaires politiques. Il n'y a pas vraiment de chicanerie entre un groupe d'un parti et un autre de l'autre parti. Ce qui démontre qu'ils sont dans les mêmes associations puisque nous sensibilisons la population de travailler en association. Nous voyons qu'il y a des membres des partis politiques qui diffèrent, mais qui partagent une même association. Dans cette période de campagne électorale, seules les trois formations politiques avaient déjà demandé de battre campagne dans cette province jusqu'à la fin de la semaine dernière. Il s'agit du CNDD-FDD, UPRONA et de la coalition Amizero ya Barundi. L'administration provinciale dit que tout le parti politique qui voudrait y mener ses activités est le bienvenu. Merci Aubin pour ce reportage. Et voilà, c'est par ici qu'on se sépare. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Excellent après-midi à tous.